Yeah. J'ai mes bails dans mon coin, la grosse tête dans mon joint, j'suis ailleurs. J'fume, j'ai le poster en Rubik's Cube. J'les regarde, j'les trouve ridicules pour de vrai. THC dans l'ADN à cause de ce qui est caché dans l'ATN. Ah ouais. Et franchement, pour être fort honnête, j'm'en bats les coronets. Ouais, ouais. Zéro diamant, j'suis dans ma bulle. Tous ces faux négros sont dans la bulle. La monnaie dans la tête. Parce que je veux pas finir dans la rue. La vérité se trouve dans les petites ruelles. Mais la réalité devient virtuelle, c'est la merde. J'ai connu violence, douleur et douceur, amour et haine, sourire et peine. Et parfois j'ai aimé ça. Baby, j'suis dans mon yeux. J't'ai mamé un message. J'suis young, j'ai fumé ça. J'suis fly. J'suis dans le sky. J'ai trouvé la faille pour perdre la maille. J'ai moi j'suis dans la high life. J'suis dans la high life. J'suis dans la high life. J'suis dans la high, high, high, high. J'suis dans la high life. J'suis dans la high life. J'suis dans la high life. J'suis dans la high, high, high, high, high. Yeah. Dans le frigo y'a air, mais si je vends ma paire, je pourrais peut-être grailler. Yeah, c'est pas la fête, je me prends la tête, j'allume un jet, ça ira peut-être mieux si je roule un gramme. Yeah, je suis gêné, j'ai le seum, je peux marcher seul, mais je suis pas seul quand je circule. Yeah, on n'est pas les mêmes, j'ai pas les mêmes rêves, pas les mêmes buts, il me faut un chèque à 2 virgules. Y'a pas que ceux qui font plein d'études, qui sont blindés de thunes. J'pourrais devenir dingue, prendre un flingue et tuer toutes les personnes qui m'ont bien déçu. Et j'pourrais leur infliger plein de blessures. Ah, j'ai le mort, j'suis toujours équipé quand j'sors. J'fais des rêves chelous quand j'dors. J'rêve que je m'en sors, pas de chaîne en or. Mais la vie de rêve, moi j'en rêve encore. J'ai connu violence, douleur et douceur, amour et haine, sourire et peine. Et parfois j'ai aimé ça. Baby, j'suis dans mon yup, j't'ai mamé un message. J'suis young, j'ai fumé ça. J'suis dans le sky. J'suis high. J'ai trouvé la faille pour perdre la maille. J'suis high. Moi j'suis dans la high life. J'suis dans la high life. J'suis dans la high life. J'suis dans la high. J'suis dans la high life. J'suis dans la high life. J'suis dans la high life. J'suis dans la high.